Subject before he comes. Pas seulement la loyauté, nous allons aussi aborder plusieurs autres sujets. Alléluia. Amen. Loyalty is a requirement. La loyauté est une demande, une nécessité. And we want to ask God. Nous voulons demander. Because à Dieu. If he said that it is a requirement from us, s'il dit que c'est un besoin pour nous, nobody here, no one. Personne is exempt or above that requirement. Au-dessus de cette demande. Hallelujah. It is a requirement. It is a requirement. C'est une demande. Hallelujah. So we want to pray. Donc nous voulons prier. Prayer works. La prière marche. Hallelujah. And your prayer will work for you this evening. La prière va marcher pour toi ce soir. Hallelujah. So, if you believe, donc si tu crois, as I believe, comme je crois, that the prayer that I'm going to pray to God, que la prière que je vais faire à Dieu, as I'm going to ask Him, alors que je vais lui demander, to help Him, to help me, de m'aider, to be loyal, d'être loyal. And last Sunday, dimanche passé, we saw the steps. Vu les étapes to disloyalty. Maintenant la déloyauté. Hallelujah. And the end et la fin is executions. C'est de l'exécution. And I don't know who among us here. Je ne sais qui parmi nous ici would like to be executed. Aimerait être exécuté. Or would like to see his life be destroyed. Ou aimerait voir sa vie détruite. Because of disloyalty. À cause de la déloyauté. That is why it is important. important this evening for all of us to pray. Voilà pourquoi c'est important ce soir que nous tous prions. Hallelujah. So that we will be loyal. Afin que nous soyons loyaux. Hallelujah. Amen. Is it a good subject? C'est un bon sujet. Okay, so I want to ask you to lift up your voice. Donc je vous demande d'élever vos voix. And thank God. Et dites à Dieu. For loyalty. Demandez-lui la loyauté. Hallelujah. There is a blessing in loyalty. There is a blessing in faithfulness. That is why I want you to lift up your voice and ask God to help you. Ask the Holy Spirit to help you to be found faithful in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lift up your voice and pray. Pray to God. Ask Him. Ask the Holy Spirit to help you to be faithful. To be found faithful. In the name of Jesus. May the Lord help us. May the Lord help us. May the Lord help us. In the name of Jesus. Our prosperity. What we are looking for. Or everything that we need. Is hidden in faithfulness. Is hidden in loyalty. May the Lord help us. May the Lord help us. May the Holy Spirit help us. In the name of Jesus. May we be a church. Oh yes, a church. Full of loyal people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ask God. Ask God. Ask God. Ask God. Oh, God require that we will be found faithful. Oh, may the Lord find us faithful. May I be found faithful. May I be found faithful. Oh, Hallelujah. Amen. And we don't want to go their way. Nous ne voulons pas prendre leur chemin. Hallelujah. Amen. We don't want to be like them. Nous ne voulons pas être comme eux. And we can mention names like Lucifer. Nous pouvons mentionner des noms tels que Adonijah. Lucifer, Adonijah. Hallelujah. Amen. Joab. Joab. Who else? Judas. Judas. Who else? Ahithophel. Ahithophel. Who else? Absalom. Absalom. Hallelujah. Amen. When you read about those people, quand vous lisez sur ces personnes, you notice that one time or another, they rebel. Vous allez remarquer que d'un moment ou un autre, ils se sont rebellés. Against the authority. Contre l'autorité. Hallelujah. Amen. And talking about Absalom. Et parlant d'Absalom. The Bible says that there are some people who follow him. La Bible dit que certaines personnes l'ont suivi. In their simplicity of mind. Dans la simplicité de leur intelligence. Hallelujah. Amen. And we want to refuse to be simple. Nous voulons refuser d'être simple. Hallelujah. Amen. Because at the end of the day, they too, they are considered as disloyal people. Parce qu'à la fin du jour, eux aussi sont considérés comme des personnes déloyales. Amen. Amen. Because they follow a disloyal person. Parce qu'elles ont suivi une personne déloyale. Hallelujah. Amen. And we want to pray this evening. Et nous voulons prier ce and soir. We want to ask God. Nous voulons demander à Dieu. Father, deliver me. Père, délivre-moi from the spirit of Judas, de l'esprit de Judas, Ahithophel, Adonijah, Absalom, and Joab, et de Joab. All the names that you know that they are disloyal people. Mention the name. Tous les noms que tu connais qui sont it les is a spirit. Mentionne leur nom, c'est un esprit. Hallelujah. Amen. Disloyalty is a spirit. La déloyauté est un esprit. And we want to ask God to deliver you. Et nous voulons demander à Dieu de nous délivrer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Because as you are praying for loyalty. Parce qu'alors que tu pries pour la loyauté. Know that the spirit of disloyalty also is just around. C'est que l'esprit de déloyauté aussi tourne autour. And try to get hold of you. Essaie de t'attraper. Hallelujah. Amen. And you want to ask God, Father, deliver us. Deliver us. Deliver-nous. We want to be loyal. We choose to be loyal. Nous choisissons d'être loyaux. We choose to be loyal. Nous choisissons d'être loyaux. We pray for loyalty. Nous prions pour la loyauté. Deliver us from disloyalty. Délivre-nous de la déloyauté. The spirit that possesses Adonijah. L'esprit qui a possédé Adonijah. Absalom. Absalom. Hallelujah. And others, et les autres, may we be delivered. Que nous soyons délivrés. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lift up your voice and pray. Élève it is a very important prayer. C'est un sujet that très we important. Are praying. And I want you to be prayerful and fervent et je veux que in tu your sois prayer. Fervent dans ta prière. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. May the Lord deliver us. Le Seigneur nous may délivre. The Lord deliver us. Le Seigneur nous délivre. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Ask for deliverance. Ask for deliverance. Demande our deliverer. He is our deliverer. C'est notre libérateur. He will deliver us. Il va nous délivrer. In the name of Jesus. He will deliver us. Il va nous délivrer. Pray to him. Oui. Pray to him. Oui. The one that is able to deliver you. In the name of Jesus. Deliver us. Deliver us, O Lord. Deliver us, O Lord. Deliver us, O Lord. We don't want to be destroyed, O Lord. We don't want to be executed, O Lord. We want to be loyal, Lord. We want to be blessed, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, yes, Lord. We want to receive from you, Lord. Oh, yes, Lord. Ah, Santi. Deliver us, O Lord, in the name of Jesus, from this evil spirit, Lord, of disloyalty, Lord, in the name of Jesus. Deliver us, O Lord. Ah, shantere bebe. Ipando robo subiri akatoria sante. Ipala baba palia le bebe. Ipando robo subiri antere bebe. Father, we choose to be loyal, Lord. We choose to be loyal, Lord. Loyal to you, O Lord. Loyal to our head, our pastors, O Lord. In the name of Jesus. Hey, ma santere bebe. Ikebe debo sotara baba palia le bebe. Maka sotara baba palia le bebe. Igondoro bo subere le bebe. Kalaba sotara baba baba baba. Makalo bo subere le bebe. We choose to be loyal, Lord. Loyal to our parent, O Lord. Maka sotara baba palia le bebe. Belebe belebe belebe belebe. Santere bebe debo sokebe bebe bebe. Maka sotara baba baba baba. Loyal to any authority, Lord. That is over us, O Lord. Ima so kabaya dere bebe. Malebe bebe bo so kebe bebe bebe bebe. Ah, kaleba kaso taraba baba baba. Every authority, Lord, that you have set over us, O Lord. We agora basanta baba baba baba. We want to be loyal to it, O Lord. Makalo bro so dere bebe bebe bo. Basanta baba baba baba baba baba. Mandoro bolo bo. Iba ndere akaso taraba baba baba baba. Help us, O Lord. Deliver us, O Lord. Deliver us from disloyalty, Lord. Help us, O Lord. We are praying tonight, O Lord. In the name of Jesus. To you who is able, O Lord. To help us, O Lord. To come for our rescue, O Lord. To deliver us, O Lord. We are crying unto you, O Lord. We are calling on you, O Lord. Masante rebebebo. Ika baba bala basonke rebebebebe. Libondoria masuntara baba baba baba. Help us, O Lord. Help us, O Lord. Deliver us, O Lord. Masantara baba baba. We choose to be loyal, O Lord. We choose to be loyal, Lord. We choose to remain loyal, O Lord. Makasantara baba baba rebebebe. Ibondoro vosubiria rebebebebe. Deliver us, O Lord. Deliver every one of us, O Lord. From disloyalty, O Lord. From the evil spirit of disloyalty, Lord. Makasantara baba baba rebebebe. But we pray for our church, O Lord. May our church be full of, Lord, loyal people, Lord, loyal members, O Lord, faithful members, O Lord. We refuse, O Lord, to go the way, Lord, of Adonijah, Lord, Ahithophel, O Lord, Joab, O Lord, Absalom, O Lord, Judas, O Lord, Makasantara baba baba, Lucifer, O Lord, Matemere bebebebo, Ikatara baba baba laba ya bebebebe, Leno soli bebebebebe, Ah kalaba, Sontara baba baba, Mandorobo subere ya bebebebe, Ospera, O Lord. Deliver us, O Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ah, Kasante, spare us, O Lord, spare us from disloyalty, O Lord, spare us, O Lord, spare us, O Lord, spare us, O Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Makasante, Ikabara, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, masante le bebe le bebe be e o kasante robo ikaba ba ba ba ba ba la ba ya de le bebe le bebe be be na so ta na ba ba ba ba ya la ba ba ba ba ikaba ba la ba ba ya le bebe be be ma so ta na ba ba ba ba as a father lord swear his son oh lord swear us oh lord because we are yours oh lord we belong to you oh lord ma kaso torobo ipandoria ma so ta na ba ba ba ba ba e ke be le bebe le bebe be be ra ba ba ra ba sa ta na ba ba ba ba ba ma so te le bebe le bebe le bozo ke le ya ba ba ba ba let us be your loyalty oh lord come upon us oh lord ma kaso ta na ba ba ba ya le bebe le bebe let us be your loyalty lord take over our oh lord take over oh lord ma se te le bebe lipo doria ma so ta na ba ba ba e ka ba ba la ba ya le bebe le bebe may take over oh lord may take over lord may take over oh lord may take over us oh lord in the name of Jesus ma sa te le bebe We are crying out to you, Lord. For we know, Lord. For we know, Lord, that you are able, Lord, that to help us, O Lord, to deliver us, O Lord. That's why we are crying out to you, Lord. In the name of Jesus. My son, get it, baby. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, we thank you. Start thanking God. Thank God for deliverance. Thank him for delivering you from this loyalty, for helping us to be loyal, to remain loyal. Thank God in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we thank you. Lord, we bless you in the name of Jesus for making us, Lord, loyal members, O Lord, of this church, O Lord. In the name of Jesus, thank you for delivering us, O Lord, from the spirit, the evil spirit of disloyalty. In the mighty name of Jesus, thank you for sparing us, O Lord, from this spirit, O Lord, and helping us, O Lord, to be loyal, Lord. In the name of Jesus, Lord, we bless you. Lord, we thank you. Lord, we give you glory. We give you honor. In the name of Jesus, we pray. And everyone say, Amen. Amen. J'élève ton nom dans les cieux et sur la terre. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. J'élève ton nom dans les cieux et sur la terre. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu es. Oui, tu es. Car tu es Dieu. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec moi? Tu peux l'adorer ce soir avec moi? Tu es. Up his name. Oh, will you glorify his name? Will you adore him tonight in the name of Jesus? Holy bro cinema, canabro cinema, canabro cinema, canabro cinema. Oh, bless him, bless him, bless him, bless him. Fall in love with him, fall in love with him, fall in love with him, fall in love with him. Fall in love with him, bro, cinema, celebro. Celebro, celebre, celebro, celebre, celebro, celebre, celebro. Ale, mambro, cinema, mala, mama, cele, mambra, cinema, mala, mama. E, cele, mambro, cinema, mala, mama, cara, mambro, cinema, mala, mama. Oh, just fall in love with him and bless him, lift up his name. Oh, for his God, his God, his God. His God, thank him, bless him. Oh, le bro cinema, kalama bro cinema, kalama mama na mama. Yante le mama na mama, kalama bro cinema, mama na mama. Eke le mama bro cinema, mama na mama, na wante le mama na mama, kalama mama na mama. Cet air que je respire. Oh. Cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi, ce pain jour après jour. Oh, ce pain. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour, Seigneur. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. C'est ta parole donnée pour moi. Donnée. tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Sweet. tu es là. Oh, les bros et les mamas que les chambres. Ate les bros et les mecs, que les bros et les mecs, que les bros et les mémés. Oh, les bros et les mamas que les chambres, t'es les mamas à la mama. Oh, les mamas que les chambres, t'es les mémés, les mémés, que les mémés, les mémés. Et que les mamros et les mamas, que les mamros et les mémés, les mémés. Oh, Seigneur, merci. Merci, merci, bros et les mamas, que les chambres. Oh, les bros et les mamas, la maman, car la maman, bros et les mamas, la maman. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Bros et les bébés, que les mamas. Et que les mamas, bros et les mamas, la maman. Et que les mamas, bros et les mamas, la maman. Et que les mamas, bros et les mamas, la maman, la maman. Oh, si vraiment tu as tant besoin de lui, oh, il sera là. Oh, les bros et les mamas, que les chameaux, il va exaucer tes prières. Si tu as vraiment tant besoin de lui, il va te secourir. Oh, les bros et les mamas. Et que les bros et les bébés, que les chameaux, t'es les mamas. Et que les bros et les bébés, que les mamras, t'es les mamas, la maman. Oh, le Seigneur vient à ceux qui ont tant besoin de lui. Ah, les bros et les bébés, que les bros et les bébés, que les bros. Et que les bros et les bébés, que les bros et les bébés, que les bros et les bébés, que les chameaux. Ah, les bambros et les mamas, que les chambras et les mamas à la maman. Et que les bambros et les mamas, que les chambros et les mamas à la maman. Et que les bambros et les bébés, que bébés les bébés, que bébés les bébés. Et que les bambros et les mamas, que les chambres et les mamas à la maman. Et que les bambros et les mamas, que les chambres et les bébés. Est-ce que tu as tant besoin de lui? Est-ce que tu peux exprimer ce désir ce soir? Oh, les bros, c'est les bébés, que les bros, c'est les bébés, que les bros, c'est les bébés, que les bros. Allez, ma bros, c'est les mamas, que les chambres, c'est les mamas, la baba. Et l'adorer en esprit, oh, et en vérité ce soir, bros, c'est les bébés, que les mamas, c'est les mamas, la baba. Et que les bros, c'est les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Oh, nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Et les bros et les bébés, que bébé les bébés, que bébé les bébés. Nous avons besoin tant de toi, bros et les mamas. Et que les mamas, bros et les mamas, que les mamas, bros et les mamas, que les mamas, la maman. Et que les mamas, bros et les mamas, que les mamas, bros et les bébés, les bébés. Oh, les bros et les bébés, que bébé les bébés, que bébé les bébés, que bébé les bébés. Allez, mamas, bros et les mamas, la maman, que maman, la maman, que maman, la maman. Et que les mamas, bros et les bébés, les bébés. Et que les mamros et les mamas la maman, que maman la maman, que maman la maman. Et que les mamros et les mamas la maman, que maman la maman, la maman la maman. Et que les mamas la maman, la maman, que maman la maman, la maman la maman. Et que les mamros et les mamas la maman, que maman la maman, la maman. Oh Seigneur, merci. Merci. Give myself away. Je me donne tout. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Oh, oh, oh. Je me donne tout à toi. Je me ce soir. Je me donne tout à toi. Je me de moi. Sers-toi. Sers-toi de nous ce soir. Oh, je me donne tout à toi. Oh, oh, oh. Je me donne tout à toi. Lève les mains. Un signe de soumission ce soir. Sers-toi de nous. Tes mains. Seigneur, je désire te voir. Tes pensées me sont révélées. Je me donne tout à toi. Toi. Je me donne tout à toi. Oh, oh, oh. Je me donne tout à toi. Sers-toi. Sers-toi de moi. Je m'abandonne à toi. Il est là. Sans rien retenir ce soir. Sans rien retenir. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te. Je ne garde rien. Est-ce que tu peux confier toi à Dieu ce soir? Ta vie, tes études, ton futur, ton mariage, tes relations, ta famille. Sans rien retenir. Ne retiens rien, ta vie chrétienne. Sans rien retenir. Tout ce qui m'appartient, Seigneur, sans rien retenir. Je m'abandonne toi. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, je te le donne. Sans rien retenir, sans rien retenir, oh. Sans rien retenir, yeah. Sans rien retenir, sans rien retenir. Fermez les yeux, prie ce soir. Donne-toi à Dieu ce soir. Tu peux confier toi à Dieu. Ouvre ta bouche, confie ta vie à Dieu ce soir. Oh, give all to God. Give it to Him. Give it to Him. Tell Him, I give it to you. Oh, dis-lui, je te donne ma vie. Je te donne mes études. Prends contrôle. Prends charge de ma vie, de mon cœur, de mon cœur. Tu ne dois pas donner ton cœur à une personne. Donne ça à Dieu ce soir. Oh, ta famille, remets ta famille dans les mains du Seigneur. Oh, les bros, c'est les mains, calambros, c'est les bains, c'est les bros. Y, c'est les mambros, c'est les mamas, c'est les chambros, c'est les babas, la baba. Ta santé, bros, c'est les bébés, c'est les mambros, c'est les babas, c'est les mambros, c'est les bébés, les bébés. Y, c'est les bros, c'est les bébés, c'est les bébés, les bébés, c'est les bébés, les bébés, c'est les bébés, les bébés. Y, c'est les mambros, c'est les bébés, c'est les bébés, les bébés, c'est les bébés, les bébés, c'est les bébés, les bébés. C'est lui seul qui peut faire, c'est lui seul. C'est lui seul, il est capable. Il est capable, il est capable. Oh, que les bros, c'est les bébés, que les bros. Oh, il est capable. Il que les bros, c'est les bébés, que les bébés, les bébés. Pour te garder, il est capable. Pour avoir un bon futur, bros, c'est les babas, que les chambos. Il que les bros, c'est les bébés, que les bébés. Confie-le. Oh, les bros, c'est les bébés, les bébés, que les bébés, les bébés. Et que les mabros, c'est les bébés, que les bébés, les bébés. Confie-toi à Dieu, confie-toi à Dieu. Tes études. Tes études, tes finances, tes relations, ta santé, ta famille, ta protection. Oh, les bros, c'est les bas, que les bros, c'est les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, que les bros. Ta délivrance vient de lui. Ta délivrance vient de lui. Ta protection vient de lui. Ah, que les bros, c'est les babas. Et que les bros, c'est les bébés, que les bébés, les bébés. Oh, les bros, ton mariage, que les bras, c'est les babas, que les chambos. Et que les bros, c'est les bébés, que les chambos. Il est capable, il est capable, il est capable, il est capable de faire. Il est capable de faire, il est capable de faire. Il est capable de faire, il est capable. Il est capable, il est capable. Au nom de Jésus, il est capable. Ah, les bros, c'est les babas, que les chambos. Il que les bros, c'est les bébés, que les babros, c'est les babas. Ah, les bros, c'est les bébés, que les chambos. Il que les bros, c'est les bébés, que les babros, c'est les babas. Ah, les bros, c'est les bébés, que les babros, c'est les babas. Dis que les bros, c'est les bébés, que les babros. Il est capable. Il est capable. Oh, les bros, c'est les bas. Oh, Seigneur, merci. Il est capable. Aujourd'hui mes projets, il est capable, il est capable, il est très capable. Très capable, capable de faire de moi, de faire de moi. Il est capable, très capable de faire de moi. Yeah. ta foi en Dieu ce soir. Tes mains sont puissantes, tes mains sont puissantes. Oh. Pour tout accomplir au-delà de mes désirs. Il est capable, il est capable, il est très capable, capable. Ta foi augmente ce soir. Réaliser aujourd'hui mes le diable nous trompe chaque jour, mais ce soir, oh, il est capable. Il est capable. C'est possible. Très capable de faire de moi ce qu'il veut que je sois. Oh. Capable, pour tout accomplir au-delà de mes au-delà, au-delà, au-delà. Il est capable, très capable. Tu es capable, tu es capable, oh l'imbro c'est les mamans, you are able to do exceedingly abundantly above, oh you are able, we bless you because you are able, we thank you because you are able, we worship you because you are able, we lift up your name because you are able, oh we bless your name because you are able. You are able, you are able, you are able. We thank you for you are able. In the name of Jesus, we give you glory. We give you the honor. We thank you. Oh, les bros, c'est les bas. Seigneur, merci. Merci. Merci. In the name of Jesus. And everyone say amen. Please clap your hands. Hallelujah, be seated. Are you blessed? Êtes-vous béni? Are you blessed? Êtes-vous béni? Yeah. He's able. Hallelujah. Il est capable. Yeah. God wants to remind you that he's able. Dieu veut te rappeler qu'il est capable. Hallelujah. Amen. The devil is deceiving you. Le diable est en train de te tromper. But God is able. Mais Dieu est capable. Do you believe it? Est-ce que tu crois? Hallelujah. Say amen. The amen. Wow. I just want to share something small before we go. Je veux juste partager quelque chose avant que nous partions. Hallelujah. Amen. The bad thoughts. Les mauvaises pensées. Of those who don't pay tithe. De ceux qui ne paient pas la dîme. The bad thoughts. Les mauvaises pensées. Those who don't pay tithe, they have bad thoughts. Ceux qui ne paient pas la dîme ont des mauvaises pensées. Hallelujah. Amen. And I just want to share that with you. Et je veux juste partager ça avec Bible vous. Says in Proverbs, la Bible dit dans Proverbes 23, verse 7. As he thinketh in his heart, so is he. As he thinketh in his heart. Proverbs 23, verse 7. As he thinketh in his heart, so is he. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Hallelujah. Amen. So the thought that you have. Donc la pensée que tu as. That's how you are. C'est comme ça que tu es. A lot of us, we don't see our thoughts. Plus de temps, nous ne voyons pas nos pensées. You can't see the thought of somebody. Tu ne peux pas voir les pensées de quelqu'un. Hallelujah. By the way, the person is acting. Mais la façon dont la personne se comporte. And you see that, ah, this is the thought you have. Tu verras que non, ça c'est la pensée que so tu as. Don't pay tithe, donc si tu ne payes pas la dîme, you may have one of these thoughts. Tu peux avoir l'une de ces pensées. Or you may have two or three of these thoughts. Ou deux ou trois de ces pensées. That's why you don't pay. Voilà pourquoi tu ne payes pas. You know, Philippians chapter 2 verse 5 says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Que cette pensée soit en vous qui était aussi en Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. So God wants Amen. To change the way we think. Hallelujah. So that we don't have bad thoughts. Il veut penser, veut changer la façon dont nous pensions afin que nous ne puissions pas avoir des mauvaises pensées. You know, generally, those who have bad thoughts don't prosper. Généralement, ceux qui ont les mauvaises pensées ne prospèrent pas. Yeah. They have bad thoughts, negative thoughts. Ils ont des pensées négatives. Always you are thinking about things negative. Ils pensent toujours aux choses négativement. You will not prosper. Tu ne prospéreras pas. And you will not do well. Et tu ne feras pas de bonnes choses. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? So tonight, God is changing the way you think. Ce soir, Dieu change la façon dont tu penses. Especially about tithing. Spécialement concernant la dîme. 10% of your money. 10% de ton argent. Hallelujah. Amen. One of the thoughts. Une des pensées. Is that I have too little to pay tithe. C'est que j'ai très peu pour payer la dîme. Hallelujah. Amen. Is that your thought? Est-ce que c'est ta pensée? Is that your thought? Est-ce que c'est ta pensée? Oh, you're not responding. Vous ne répondez pas. Oh, you are looking at. You can't hear me. Can you hear? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Yeah. I have too little to pay tithe. J'ai très peu pour payer la dîme. Hallelujah. Yeah. In Matthew chapter 25. Dans Matthieu 25. Verse 24. Verset 24. Bible says, "And he, which had received one talent, came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and I went and hid my talent in the earth. Lo, there thou hast that is little. Thou hast done is mine and thine." Matthieu 23, verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends. Verse 24, 25. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. So one of the thoughts of those who don't pay tithe because they have little. Donc l'une des pensées de ceux qui ne paient pas la dîme, c'est parce qu'ils ont That's un peu. Very small. Tout juste un peu. Hallelujah. And a lot of people don't have a lot. Et beaucoup de personnes n'ont pas beaucoup. Yeah, when you check, a lot of people don't have a lot. Don't earn a lot of money. Quand tu vérifies, beaucoup de personnes ne gagnent pas beaucoup d'argent. Are you here? Yeah. And when you look at you, all of you are students, a lot of you don't receive a lot of money. Et vous tous êtes des étudiants et vous ne recevez pas beaucoup d'argent. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. It's few people who receive a lot. C'est juste un peu de personnes qui reçoivent beaucoup. But most of you receive very little. Mais la majorité d'entre vous reçoivent peu. Just enough. Juste assez. Hallelujah. Amen. Are you here? Vous êtes là. But you need to pay your tithe. Mais tu dois payer ta dîme. It's a bad thought to say that you have little. C'est une mauvaise pensée de dire que tu as un peu, tu gagnes peu. Yeah. Just like this man in the Bible. Juste comme cet homme dans la Bible. So I have only one talent. Je n'avais qu'un seul talent. And I was afraid. Et j'ai eu peur. And I want to hide it. Je suis allé le cacher. Yeah. So you have little, you receive little, so you think that it's too little, you don't want to pay. Tu reçois peu, donc tu penses que c'est trop it's peu et thought. Tu ne peux pas payer. C'est une mauvaise pensée. Are you here? Êtes-vous là? And the second thought. Et la deuxième pensée. I have too much. J'en ai tellement. J'ai trop. I have too much to pay my tithe. J'ai trop pour payer ma dîme. What's your Bible? What's your? I have too much to pay my tithe. J'ai trop pour payer ma dîme. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Those who earn so much. Ceux qui gagnent tellement. They have difficulty paying. Ils ont des difficultés à payer. Yeah. Because if you earn 100, what's your money? What's the biggest money that you have in Sefa? Okay, you have 100 million. Okay, tu as 100 millions. Of Sefa. De Sefa. Yeah, that's a lot of money. C'est beaucoup d'argent. Your tithe is how much? Ta dîme, c'est combien? 10 millions. Can you take 10 million and pay a tithe? Est-ce que tu peux prendre 10 millions et payer la dîme? Yeah. You see that it's not easy. Tu vois que c'est pas facile. Is it easy or it's not easy? C'est facile ou c'est pas facile? Yeah. Yeah. So don't do, and so much. Donc ceux qui gagnent tellement. It's not easy for them to pay tithe. C'est pas facile qu'ils paient la dîme. So they think that I have too much. Parce qu'ils pensent que j'en ai trop. Hallelujah. Amen. Yeah. And the first one, too little. Et la première, c'est je n'ai now you don't receive a lot. Maintenant, tu ne reçois pas beaucoup. If you are not able to learn how to pay the little, je n'ai pas capable d'apprendre comment payer dans le peu. You can't pay 10 million as tax. Tu ne peux pas payer 10 millions en tant que dîme. Yeah. Because the Bible says that he that is faithful in the little. Parce que la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses will be faithful in the bigger things. Le sera aussi dans les grandes choses. Are you here? Est-ce que vous êtes là? So as you receive small. Donc alors que tu reçois 100 peu. Ghana cedis. 100 Ghana cedis. How much are you going to pay? Combien vas-tu payer? Yeah, 10 cedis. Pay the little. 10 cedis. Paye le peu. One day you earn 100 million. Un jour tu vas avoir 100 millions. And you pay 10 million. Et tu vas payer 10 millions. Yeah. You receive it all. Vous allez recevoir you ça. You believe it one day. Un jour. Yeah. It's possible. C'est possible. Yeah. Because people, some people earn a lot of money. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent beaucoup d'argent. Lot of money. Beaucoup d'argent. Hallelujah. One day a rich man told Bishop that he won't pay tithe. Un jour, un homme riche a dit à l'évêque d'Ar qu'il ne va pas payer la dîme. Yeah, because he said, do you know how much I earn? Il a dit, connais-tu combien je reçois? I earn a lot of money. Je reçois beaucoup d'argent. Dollars. Et dollars. Yeah. So I can't pay. Donc je ne peux pas payer la dîme. Yeah. Then one day he got sick. Maintenant, un jour, il est tombé malade. Yeah. A disease. Une maladie. That we cannot cure. Qu'on ne pouvait guérir. His plenty money cannot cure him. Tout son argent ne pouvait pas le guérir. Yeah. Then. Donc. Then. Ensuite. He started paying tithe. Il a commencé à payer la dîme. He said, Bishop, I've come with my tithe. Il dit, évêque, je suis venu avec ma dîme. Do you have to wait? You see, when you are getting to, when you are about to die. Vous savez, quand vous êtes sur le point de mourir. That's when you see that. C'est là où tu vois que. Your hair is not important. Tes cheveux ne sont pas importants. Yeah, your hair is not important. Tes cheveux ne sont pas importants. Your shoes are not important. Tes chaussures ne sont pas importantes. The money you have is not important. L'argent que tu as n'est pas important. The fight is not important. Les combats ne sont pas importants. The jealousy is not important. La jalousie n'est pas importante. The 100 million is not important. Les 100 millions ne sont pas importants. Yeah. Then he started paying tithe. Donc il a commencé à payer la dîme. Before he died. Avant qu'il ne meure. Because he died. He died. Parce qu'il est mort. He was a church member. Il était un membre de l'église. Yeah. His money could not save him. Son argent ne pouvait pas le sauver. Yeah. Are you here? Est-ce que vous êtes là? So if you need to straighten your life now, donc si tu veux arranger ta vie maintenant, you have to straighten your life now. Tu dois l'arranger maintenant. Because when you get to, parce que quand tu arrives at the point of death, au point de la mort, nothing, rien, nothing is important. Rien n'est important. Yeah, you see that. All the things in this world are useless. Tu vois que toutes les choses dans ce monde money, sont inutiles. Cars, l'argent, women, sex, les femmes, les maisons, le important. Sexe, c'est pas important. Are you listening? Est-ce que vous comprenez? Yeah. It's because today you are strong, so you think that oh, Life is good. Life is. C'est parce qu'aujourd'hui tu es fort, tu penses que la vie est bonne, la vie est bonne. Life is good, but if you don't take care. La vie est bonne, mais si tu ne fais pas attention. You see that you waste your life. Tu vas voir que tu vas gaspiller ta vie. Are you here? Tu es là. Yeah. So if you earn a lot of money. Donc si tu reçois beaucoup d'argent. Come and pay. Viens payer. Yeah. But now maybe you are receiving small. Mais maintenant peut-être tu reçois un peu. Ghana. 50 Ghana. Come and pay 5 Ghana. Viens payer 5 Ghana. Yeah. Put 5 Ghana. Don't say it's too little. Ne dis pas c'est trop peu. Because some of you say oh it's too little. So vous vous dites oh c'est trop peu donc. Put it in the envelope. Come. Mets ça dans une enveloppe et viens. One day God will give you 50 million. Un jour Dieu va te donner 50 millions. Yeah, then you see that oh 5 million it's nothing. Donc tu verras que 5 millions c'est rien. Nothing. Rien. Tu vas juste payer. Yeah. Are you here? Vous êtes là. Yeah. So that's a bad thought. Donc ça c'est une mauvaise pensée. The next thought. La pensée suivante. We'll finish in 10 minutes. Nous allons finir dans 10 minutes. I'm not a fool. Je ne suis pas un idiot. I will not pay my tithe. Je ne paierai pas ma dîme. Yeah. It's a bad thought. C'est une mauvaise pensée. Because you think that oh I've worked so I'm coming to give the money to somebody. Tu te dis que bon moi j'ai travaillé et je vais donner l'argent à quelqu'un d'autre. So I'm not a fool. Donc je ne suis pas idiot. I don't work for somebody to chop. Je ne vais pas travailler pour quelqu'un en profite. Yeah, that's why a lot of people have those who don't pay tithe. Ceux qui ne paient pas la dîme. That's the mind personnes. They have. C'est la pensée qu'ils ont. C'est vrai ou c'est faux? When you are not paying tithe, you also have the same mind. Quand tu ne payais pas la dîme, tu avais aussi la même pensée. Hein? You see the thing. Philippians 4:8. Philippiens 4:8. Finally, brethren. Do you know Philippians 4:8? So can say whatever things are true, whatsoever things are honest, whatever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things of good report, if there's any virtue, if there's any praise, think on this thing. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Hallelujah. Amen. Are you here? Vous êtes là? Yeah. Some people say I'm not fool. But les gens disent, je ne suis pas idiot. Think on the correct things. Think of good things. Mais pense, why are you making the tithe a bad thing? Pourquoi est-ce que tu rends la dîme une mauvaise chose? It's like a bad thing. C'est comme une mauvaise chose. It's not a bad thing. C'est pas une mauvaise chose. Hallelujah. Amen. The next thought. La pensée suivante. My money is not properly used. Mon argent, so I will not pay my tithe. Mon argent n'est pas correctement utilisé, donc je ne vais pas payer ma dîme. You see, some people that's the mind that they have. Certains, c'est la pensée qu'ils ont. Yeah. So they rather go and give the money to a beggar. Donc ils vont plutôt aller donner l'argent à un mendiant. They'll give their tithe to a beggar. Ils vont donner leur dîme à un mendiant. Because they think that oh, a beggar should have the money. Parce qu'ils pensent que non, un mendiant devrait because avoir l'argent. Because if I give it in church, parce que si je donne ça à l'église, it will not be properly used. Ça ne va pas être bien utilisé. Yeah. People have that thought. Les gens ont cette pensée. Don't have the same thought. Don't have it. N'ayez pas ces mêmes pensées. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. At least I can speak for this church. Au moins, je peux parler de cette église. Yeah. That the money you pay. Que l'argent que tu paies est correctement utilisé. Correctement. Proper. Correctement. Correct de correct. As you are giving, you are going alors to que build tu donnes, French church. Tu vas construire l'église francophone. French headquarters. La belle église. See that they write belle église. Tu vas voir qu'on va écrire la belle église. Yeah, see that. The anglophones say Kodesh people. Say, we also have our Kodesh. Ils vont dire, nous aussi, nous avons notre Kodesh. Francophone Kodesh. La Kodesh francophone. Is it a good idea? Est-ce que c'est une bonne idée? Yeah. Yeah, I can speak for this church. Je peux parler de cette église. That the money, que l'argent, God has given the bishop a certain financial wisdom. Par la grâce de Dieu, Dieu a donné à l'évêque une certaine sagesse financière. Yeah. A certain financial wisdom. Une certaine sagesse financière. Yeah. One day I'll preach about frugality. Un jour, je prêcherai de la frugalité. Frugality. La frugalité. Yeah. When you think about people who are frugal. Quand tu penses des personnes frugales. Who don't spend? When you say frugal, we don't spend money. Quand on parle de frugal, on ne dépense pas l'argent n'importe comment. If you ask somebody, bishop. Si c'est quelqu'un, c'est l'évêque. Yeah. Anything, a chair. Tout, une chaise. This chair. Cette chaise. He will bargain. Il va discuter. He will bargain to il the last penny. Jusqu'au plus petit montant avant d'acheter. Because the money, hey, people's money. Parce que c'est l'argent des gens. C'est parce que c'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens. So the money has to be used properly. Donc l'argent doit être utilisé correctement. Bargain. Il va discuter. Buy buildings. Il va acheter for church. Des bâtiments pour l'église. Send money. Il va envoyer de l'argent. Building orphanage. Il construit des orphelinats. Nice one. Des jolis orphelinats. With schools. Avec des écoles. L'argent que tu donnes. L'argent que tu donnes. One day you see. Un jour tu le verras. When you go to heaven. Quand tu iras au ciel. When you are light out, the money you gave. Ah, quand tu es à light out, l'argent que tu as donné. A lot of people. Tu as vu ça aider plusieurs personnes. Yeah. Les orphelinats. School. Les établissements. Anakazo. Anakazo. World class university. World class university. Université de classe mondiale. Yeah. To train pastors. Pour former des pasteurs. Who go and preach the gospel. Qui vont aller prêcher l'évangile. Yeah. Sending missionaries. Envoyer des missionnaires. Yeah. Missionary, they suffer. Les missionnaires ils souffrent. You see them, they send them to go to Congo. Les envoie au Congo, va en Jamaïque, va à Papua New Guinea, va à Papua New Guinea, go to Liberia, va au Liberia, go to this, va là-bas. You think that they are giving? They don't give them money. Ils ne leur donnent pas de l'argent. Small money. Un peu d'argent. They struggle. Ils souffrent. Because the money is not for them. Parce que l'argent n'est pas pour eux. It's for somebody. It's for you. You have given the money. C'est pour toi. Tu donnes l'argent. So it has to be properly used. Donc ça doit être utilisé correctement. Are you here? You understand? Vous comprenez? Yeah. And that's one of the wisdom that if you are in this house. Right, ça c'est l'une des sagesse qui se trouve dans cette maison. If you are in this church. Tu es dans cette maison. Before you go to your country. Avant que tu retournes dans ton pays. That's one wisdom that you need to learn. Ça c'est l'une des sagesse que tu dois apprendre. Yeah. Financial wisdom. La sagesse financière. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah. Yeah. It's an anointing. C'est une onction. And you have to desire. Et tu dois la désirer. You have to want to have it. Tu dois désirer l'avoir. For your life. Pour ta vie. That you don't spend unnecessarily. Que tu ne dépenses pas unnecessarily. That you use the money to build something. Que tu utilises l'argent pour construire quelque chose. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Yeah. Before you go to your country. Avant que tu retournes dans ton pays. When they send 100 Ghana cedis to Western. Quand ils t'envoient 100 Ghana par Western Union. 1 week, then you spend all. Une semaine et tu as tout dépensé. Are you in lighthouse or are you in lighthouse? Tu es en lighthouse ou tu n'es pas à lighthouse? Are you in lighthouse? Es-tu à lighthouse? It's as if you are not in lighthouse. C'est comme si tu n'étais pas à lighthouse. It's as if you are not in lighthouse. C'est comme si tu n'étais pas à lighthouse. It's as if you are not a child of this house. C'est comme si tu n'étais pas un enfant de cette maison. Here we don't spend money like that. Ici on ne dépense pas l'argent comme ça. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Yeah. Spend money 1 week, 100,000. Une semaine, 1000 Ghana, c'est fini. 200, you spend it. 2000 Ghana, c'est déjà dépensé. Tu vas acheter des choses. Mawako, et tu appelles tes amis, venez. Mawako, papaye et tout. Drinking, they are buying things. Et vous achetez des choses. Yeah. You are buying hairs and nails. Vous achetez les cheveux et les ongles. A student, you don't need this. A student, you don't need this. You don't need it. Un élève, tu n'as pas besoin de ça. Is that what will make you pass? Et que c'est qui va te faire passer? You came from your country to come and pass exams. Tu es venu de ton pays not pour venir to come passer and les do examens. Things on your nails and pas things. Pour venir faire les choses sur tes ongles. Are you here? Did your father come send you here to come and buy nails? Est-ce que ton père t'a envoyé ici pour venir acheter les ongles? Did your mother send you to come and buy? Est-ce que ta mère t'a envoyé ici? Venir. Are you learning wisdom? Est-ce que vous apprenez la sagesse? Are you learning wisdom? Est-ce que vous apprenez la sagesse? Yeah. I don't know whether it's because of money, but I don't know. Je ne sais pas si c'est à cause de l'argent. I don't know because of money. Maybe it's not because of peut-être money. Pas à cause d'argent. If it's because of money, then I admire you. Si c'est à cause de l'argent, donc je t'admire. Yeah. That you are not influenced by your peers. Que tu n'es pas influencé par tes camarades. Yeah. Peer pressure. You see, they've done it at school. So you two are there. You want to do something. Then you are coming. Then you are spending the money. Donc tu vois, ils sont en train de faire d'une certaine manière et tu veux faire la même because chose. Because of peer pressure, you are calling your parents, send me money. Parfois, j'appelle tes parents à cause de la pression de ton entourage. Student, then you have two phones. Un élève, tu as deux téléphones. What business do you have? Quel business as-tu? If you have two phones, sell one. Si tu as deux téléphones, vends save un. Save the money. Économise l'argent. All those who have two phones, sell it. Tous ceux qui ont deux téléphones, vendez-les. Sell one phone. Vends un téléphone. Why do you have two phones? Pourquoi est-ce que tu as deux téléphones? Yeah. It's wisdom. C'est la sagesse. Wisdom says you build something, not buy something. La sagesse dit tu vas construire quelque chose et non acheter quelque chose. Yeah. Yeah. Are you here? Amen. Save the money. They send you money and you know that it's extra. On t'envoie de l'argent et tu sais que tu en as un extra. So you know that next month they will send you again. Tu sais que le mois prochain ils vont encore t'envoyer. So you are spending everything because you know that next month it will come. Donc tu dépenses tout parce que tu sais que ça va venir le mois prochain. Hey. Instead of saving the money because you don't know next month. Au lieu d'économiser l'argent parce que tu ne connais pas le mois prochain. Tu ne sais pas ce qui va se passer le mois prochain. Anything can happen. Tout peut arriver. A wise person will say, this money, let me keep it here. Une personne sage va dire cet argent que je garde ça ici parce que je ne sais pas ce qui vient le mois prochain. Yeah. That is the wisdom that is here. Ça c'est la sagesse qui est ici. If you spend the time and you go and you don't have anything, you are poor. Si tu passes du temps à Lighthouse et tu retournes et tu n'as rien, tu es pauvre. It's a disgrace. C'est une honte. Yeah. As a student, en tant qu'étudiant, don't borrow money. N'en prenne pas de l'argent. Don't borrow hair. N'en prenne pas les cheveux. Don't borrow handkerchief. N'en prennent pas les don't mouchoirs. Borrow shoes. N'en prennent pas les chaussures. Don't borrow pen. N'en prennent pas les stylos. No, don't borrow money. Don't borrow money. N'en prennent pas de l'argent. That is the beginning of your prosperity. Ça c'est le commencement de ta prospérité. Yeah? Don't borrow money. If you don't have, you don't have it. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Nobody will take you to prison. Personne ne va t'emmener en prison. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Wisdom. La sagesse. Wisdom. La sagesse. Wisdom. La sagesse. There are a lot of things, extra things you don't need. Il y a beaucoup de choses extra que dont tu n'as pas besoin. Pourquoi est-ce que tu les as achetées? Why did you buy them? Pourquoi est-ce que tu les as achetées? Yeah. Don't follow the world, though. Ne suivez pas le monde. Follow their will. Their will will not teach you good things. Le monde ne va pas t'enseigner de bonnes choses. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Are you here? Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Yeah. You ladies. Vous les filles. You will not cook. Vous n'allez pas préparer. Yeah. You will not cook. Vous ne préparez pas. The small money that you can use, then you are buying things in town. Le peu d'argent que tu peux utiliser, tu achètes des choses avec. Is it because you don't know how to cook? Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas comment préparer? Hey, the person who marry you will be hungry man. La personne qui va t'épouser sera un affamé. Hungry. La faim. The guys, are you here? Les hommes, vous êtes là. Men, are you here? Do you know what you can use to know that a person cannot cook? Vous savez ce que vous pouvez utiliser pour savoir que cette personne ne peut pas préparer? Should I tell you? Devrais-je vous dire? If you see it, you know that. Si vous voyez ça, vous allez savoir que. Potential hunger. Il y a une famine potentielle. Yeah. I won't say it. Je ne vais pas le dire. I'll say. Maybe I'll say something else. Peut-être je vais dire quelque chose d'autre. Yeah. You see the lady then, the thing is shiny. Vous voyez la fille, les choses brillent et ça brille. It's neat, nice. C'est net, joli. The nails, they are neat, nice. Les ongles, très beaux. See that the person doesn't go to kitchen. Tu vois que la personne ne va pas à la cuisine. But you see, men, that's why you follow. When you see the nice nail, then you are following. Mais les hommes, c'est ce que vous suivez. Quand vous voyez les hommes, vous hunger, suivez. Hunger. Vous êtes en train de suivre la famine. Yeah, but ladies, please learn how to cook. Mais les filles, s'il vous plaît, apprenez à préparer. If you are a daughter of the church, si tu es une fille de l'église, you have to know how to cook. Tu dois savoir comment préparer. Is a disgrace. C'est une honte. That you don't know how to cook. Que tu ne saches pas préparer. Yeah. Are you here? Vous êtes là. Yeah. Why am I talking about this? Pourquoi est-ce que je parle de ça même? Is it a reality? Some people don't know how to cook. Certains ne savent pas comment préparer. Ladies, you know how to cook? No. Les filles, vous savez comment préparer, non? Ou bien? Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? You see, the men are saying not all. Les hommes disent Moïse, pas toutes. Not all knows that. Pas toutes savent comment préparer. Hey. I'll visit all the ladies. Je vais visiter check, toutes check, les filles. To check your kitchen. Pour vérifier votre cuisine. Okay. This one is off record, okay. Hallelujah. Amen. Another mind of those who don't pay tithe. Une autre pensée de ceux qui ne paient pas la dîme. No, but I'm very serious about being frugal. Mais je suis très sérieux concernant être frugal. Frugal, please. Être frugal, s'il vous plaît. If you don't know how to be frugal now. Si tu ne sais pas comment être frugal maintenant. When you grow and you have 100 million. Quand tu vas grandir et tu auras 100 millions. For you. Ce ne sera pas suffisant pour toi. Yeah. 3 days ago, I was talking to somebody. Il y a trois jours de cela, je parlais à quelqu'un. And he told me that. Et il m'a dit. The big men. Les grands hommes. Who are earning big money. Qui reçoivent beaucoup d'argent. They come to him to ask for money. Ils viennent à lui pour demander de l'argent. Yeah. Prosperity is not about the amount of money you have. La prospérité ne concerne pas la quantité d'argent que tu as. But the money that you are able to keep. C'est l'argent que tu es capable de garder. Yeah? So if you earn a little. Donc si tu gagnes peu. And you are able to keep it. Et tu es capable de garder ça. Tu vas prospérer plus qu'une personne qui gagne beaucoup, mais qui n'est pas capable de garder. Yeah? That's why you need to pay tithe. Voilà pourquoi tu dois payer la dîme. Because. Parce que. One of the promises. L'une des promesses that God will prevent que Dieu va empêcher the devourers. Les dévoreurs. Yeah? Devourers. You have the money here. Tu auras l'argent ici. And see that something will come and take some. Tu vas voir quelque chose va venir prendre un peu. Prendre un peu et. By the time you realize the money is finished. Il dit que tu t'en rends compte, l'argent est terminé. Yeah? Alléluia. Are you here? Êtes-vous là? The mind, bad mind of those who don't pay tithe. Mauvaise pensée de ceux qui ne paient pas la dîme. The pastor is using my money to buy cars. Le pasteur utilise mon argent pour acheter des voitures et des maisons pour lui-même. So I will not pay tithe. Donc je ne vais pas payer la dîme. Yeah, that's a negative thought. C'est une pensée négative. Are you here? John chapter 12. Jean chapitre 12. Verse 3. Verset 3. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus wipe his feet with his hair, her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Then said one of the disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? For he, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and he had a bag, and bare what was put therein. Jean chapitre 12, à partir du verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait tout ce qu'on y mettait. Yeah. It's because you are a thief. C'est parce que tu es un voleur. Or because those who don't pay tax are thieves. Ou bien parce que ceux qui ne paient pas la dîme sont des voleurs. That's what they are talking about, money that they are spending on pastors. Voilà pourquoi ils parlent de l'argent qu'on dépense sur les pasteurs. Yeah. The classic example we have. C'est un exemple classique. Yeah. It's not because they are spending money, it's because you don't want to pay. C'est pas parce qu'ils dépensent l'argent, mais c'est parce que tu ne veux pas payer. And those who don't pay tithes are thieves, they are stealing from God. Et ceux qui ne paient pas la dîme sont des voleurs, ils volent Dieu. Oh? Ou bien? Have you read in Malachi? Est-ce que vous avez lu ça dans Malachi? C'est parce qu'ils veulent voler. So it's a bad mind. Donc c'est une mauvaise pensée. 10% is too much, so I'll not pay my tithe. That's another bad. Une autre mauvaise pensée, c'est 10% est trop, donc je ne vais pas payer ma dîme. Yeah. Is it too much? Est-ce que c'est trop? Even when they say 5, when they say 1%, you will not pay. Même si on dit 1%, tu ne vas pas payer. Yeah. Human being. So 10%, when they say 5%, you won't pay. Les êtres humains. They say 1%, you won't pay. Quand on dit 5%, tu ne vas pas payer. Everything si on dit aussi 1%, tu ne payes pas. Free. Tout, tu le veux gratuit. How much tax do you pay? Combien de taxes payes-tu? How much government asks? Combien de taxes le gouvernement demande? You know how much percentage do they pay? Est-ce que tu sais combien de pourcentage ils payent? How much? Hey, you people don't know how much the tax you pay in your country. 18%. 17%. Congo 18. Gabon 17. 18. All francophones 18. Tous les francophones c'est 18%. Yeah, 18%, 17%, 18%. 17%, 18%. Yeah. Yeah. In Ghana, a certain amount, minimum money, you don't pay tax. Il y a un certain montant sur lequel tu ne payes pas les dîmes. So it depends on the amount of money you earn. Donc ça dépend de la quantité d'argent que tu If gagnes. You earn below that amount, you don't pay tax. Si tu gagnes en dessous de ce montant, tu ne payes pas les taxes. 300 Ghana or something. Je pense que c'est 300 Ghana, si 10. Un But peu. As you go up, mais alors que tu augmentes, the amount goes, the tax go up. La taxe aussi augmente. And the higher tax you can pay is 25%. Et la plus haute dîme que tu peux payer, taxe que tu peux payer, c'est 25%. Yeah, in Ghana. Au Ghana. Yeah. So those who earn a lot pay 25%. Donc ceux qui gagnent beaucoup paient 25%. Yeah. Is it not more than 10%? Est-ce que c'est pas plus que 10%? Is it not more? C'est pas plus. But you don't complain. People Mais don't tu complain. Ne te plains pas. Les gens ne se plaignent pas. Hallelujah. Amen. Are you here? Vous êtes là. Yeah. I'm broke, so I can't pay my tithe. Je suis fauché, donc je ne peux pas payer ma dîme. A lot of people are broke. Beaucoup de personnes sont fauchées. So you are not alone. Donc je n'ai pas seul. Hallelujah. Are you here? Amen. Yeah. You need to pay, but if you say you are broke, don't you eat? Mais puisque tu dis, quand tu dis que tu es fauché, ne manges-tu pas? Don't you eat? Ne manges-tu pas? Don't you drink water? Ne bois-tu pas de l'eau? Yeah. So it means that you can pay tithe. Ça veut dire que tu peux payer la dîme. And you are the one who's supposed to pay tithe. Et tu es celui qui est censé payer la dîme. Yeah. With the little. Avec le peu. Have the little. Le peu. For God to bless you. Et Dieu va te bénir. Hallelujah. Amen. Are you here? Vous êtes là. Should I go on? Tu dois continuer. Give you two more. Je vais vous donner deux autres points. I have a lot of debt. J'ai beaucoup de dettes. Donc je ne vais pas payer ma dîme. I'm a student. Je suis un étudiant. Donc je vais so pay. I will not pay my tithe. Donc je ne paierai pas ma dîme. Hein? A lot of you say you are student, so you pay. Beaucoup vous disent je suis étudiant, donc je ne vais pas payer ma dîme. A lot of people have come to see me. Beaucoup sont venus me voir. But tithe, they said those who are earning money. Mais la dîme, on a dit ceux qui gagnent de l'argent. Hein? They said those who earn money, those are the people to pay tithe. Ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui doivent payer les dîmes. Those who are working, they said those who are working. Ceux qui travaillent. Students. Les étudiants. Who said it's only those who are working? Qui a dit que c'est seulement ceux qui travaillent? They said those who receive. Those who receive. Hein? Ceux qui reçoivent. Those who receive. C'est those who receive. Substance. Ceux qui reçoivent. Substance. Substance. Des substances. Yeah. Receive something. Je reçois quelque chose. Some students are richer than those who work. Certains étudiants sont plus riches que ceux qui travaillent. Because your father will give you. Parce que ton père va te donner, ta mère va te donner, your big brother will give you, ton grand frère va te donner, your big sister will give you some, ta grande soeur va te your donner, auntie will give you, ta tante va te when donner. You put all together. Quand tu rassembles tout, and you too don't pay tax. Et toi aussi, tu ne payes pas les taxes. So you are even richer than those who are working. Donc tu es même plus riche que ceux qui travaillent. Yeah. Are you here? Et que vous êtes là? Yeah. Let me ask you some questions. Laissez-moi vous poser quelques questions. Do students not eat food? Est-ce que les étudiants ne mangent pas la do nourriture? Do students not have clothes? Est-ce que les étudiants n'ont pas d'habits? Do some students don't drive cars? Est-ce qu'il n'y a pas d'étudiants qui conduisent don't des they voitures? Drive cars. They drive ils ne conduisent cars. Pas des voitures. Do some students don't have money? Est-ce que certains étudiants do n'ont pas d'argent? Don't get married? Est-ce que certains étudiants ne se some marient pas? Get married. Il y a des étudiants qui se marient. Huh? Ou bien? So if your answer is yes, it means that you have to pay tithe. Donc si ta réponse est oui, ça veut dire que tu dois payer la dîme. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. I think it's an error. Je crois que c'est une erreur. To say that it's only those who work who pay tithe. De dire que c'est seulement ceux qui travaillent qui paient la dîme. C'est pas dans la Bible. Yeah. It's not in the Bible that those who work, only those who work pay tithe. Que c'est seulement ceux qui travaillent qui doivent payer la dîme. Go and read your Bible very well. Va lire ta Bible bien. Hallelujah. And it's better to start learning how to pay tithe now. Et c'est mieux de commencer à apprendre à payer la dîme maintenant. That you are not working. Maintenant que tu travailles pas. So that when you start working, you can also continue paying tithe. Donc quand tu vas commencer à travailler, tu vas aussi continuer. If you don't pay tithe now, je ne paie pas la dîme maintenant. I will tell you. Je te dirai. When you start working, you won't pay tithe. Quand tu vas commencer à travailler, tu ne paieras pas. So it's not about I'm a student, I'm not a student, I'm a student. Ça, donc il ne s'agit pas de je suis un étudiant, je suis pas étudiant et tout ça. Yeah, it's because you don't want to pay. C'est parce que tu ne veux pas payer. And so if you are not a student, you are working, you won't pay. Donc si tu n'es pas un étudiant, tu ne travailles, tu because ne vas toujours pas Christians payer. Christians will always find reason why we don't want to do something. Parce que les chrétiens vont toujours trouver des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas faire quelque chose. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est yeah. faux? Yeah. Some of you who have left the church. Certains d'entre vous qui ont quitté l'église. They've left the church, not you. Non, pas toi, d'autres. They've left the church. Ils ont quitté l'église. You know what they do? Et que vous savez they don't want font. To come to church. Ils ne veulent pas venir à l'église. So they will call Papa. Donc ils vont appeler Papa. I'm going to Lighthouse. Je m'en vais à Lighthouse. Lighthouse? Lighthouse? Are you sure Lighthouse? What church is that? C'est quelle église ça? I don't know that church. Don't go there. Je ne connais pas cette église, n'y va pas. Yeah. So they will come. Oh, pastor. Ils vont venir, oh, pasteur. I was talking to my father. Je parle à mon my père. My father said I shouldn't come here again. Mon père a dit que je ne dois plus venir ici. My father said I shouldn't come. It's because you don't want to come. C'est parce que tu ne veux pas venir. Yeah. But when you are going to fornicate, don't call your father. Mais quand tu vas forniquer, tu n'appelles pas tes parents. When you are going to the disco. Quand tu vas en boîte de nuit. You don't call your father. Father, oh, I'm going. When you are drinking and you are smoking, you don't call your father. Quand tu bois et tu fumes, tu n'appelles pas ton père. Because that one you want to do it. Parce que ça, tu veux le faire. Look at you. You are 20, 25. Then you are calling your father. But I'm going to Lighthouse. J'appelle ton père. Je vais à Lighthouse. Small boy, like a small boy. Comme un petit garçon. Don't you know what is good for you? Tu ne connais pas ce qui est bien pour toi. Ah, you pay. Then they come and say, oh, my father, my mother say, okay, oh, I shouldn't go to Lighthouse. Mon père et mon mère, ils sont dit, je ne dois pas aller à Lighthouse. I should go to my church. Je dois aller dans mon église. So what's your church? Donc, quelle est ton église? I don't know. Et que c'est Accra? Is your church in Accra? Est-ce que ton église est à Accra? We don't have any branch in Accra. Tu n'as pas de branche à Accra. You now, you don't want to come to church. So, when it comes to tithe, the same thing. Donc, quand on vient à la dîme, c'est la même chose. You don't want to pay, so you have reasons. Tu ne veux pas payer, donc tu as des raisons. Hey, Christians. Hey, chrétiens. Christians. Chrétiens. Christians. Chrétiens. Why are we like that? Pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? When it comes to the things of God, quand on arrive aux choses de Dieu, we will find reasons. Nous allons trouver des raisons. But when we want to do something for ourselves, mais quand nous voulons faire quelque chose pour nous-mêmes, there's no reason. Il n'y a aucune raison. Yeah. We won't call papa. On ne va pas appeler papa. We'll on ne va pas appeler maman. We'll do it. On va le faire. Yeah. Yeah. You do it. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Yeah. When you are following the man, quand tu suis l'homme, you know that the man is married. Tu sais que l'homme est marié. You know your mother will not agree. Tu sais ta mère ne va pas, sera pas d'accord. Mais tu n'appelles pas ta mère. Yeah. And some people even go to the extent. Et certains vont même jusqu'aux extrêmes. To the extent of getting pregnant, jusqu'à aller tomber enceinte, ils ne vont dire à personne et ils vont aller avorter. Tu n'appelles pas ton père. You don't call your mother. Tu n'appelles pas ta mère. You do it. Tu le fais. But church, that's good for you. Mais l'église qui est bien pour toi, supposed to bless you. Quelque chose qui est censé te bénir, you don't want to do it. Tu ne veux pas le faire. So you call. You know that your father will say, "Don't go." Tu sais que ton père dira, n'y va pas. You know that your mother will say, "Don't go." Tu sais que ta mère dira, n'y va pas. Call. Mais tu appelles. So that you come and say, "Oh." Après que tu viens dire, Pastor Sam. Pastor Sam. From next week, I won't come here. À partir de la semaine prochaine, je ne viendrai plus ici. You think we are small? I'm not small boy. Tu penses que je suis un petit garçon? Je suis pas un petit garçon. I'm not small boy. Because Mais you don't want to garçon. Come. C'est parce que tu ne veux pas venir. Me too, I'll say, okay, no problem, you can go, bye-bye. Moi aussi, je dirais, pas de problème, tu peux partir, bye-bye. Je ne vais pas te forcer. I will not force you. Je ne vais pas te forcer. Eh? Are you here? Est-ce que vous êtes là? Yeah, those people, they didn't come today. Ces personnes ne sont pas venues aujourd'hui. They didn't come. Ils ne sont pas venus. Okay. Wow. Some people say, I give my money to help the poor. Certains disent, je donne mon argent pour aider les pauvres. So I will not pay. I've given my tithe to the